Et la nuit, seulement la nuit, le plaisir de ma vie. I'm full de toi, I'm full de toi, I'm full de toi. Fold it twice.